La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Un peu plus de la moitié. Je sais pas. Mais surtout, bon, c'est pas. Ça ne correspond pas vraiment à la clôture du texte, parce qu'il y a tellement de. D'implication logique dans ce texte. Alors, quand on a commencé, je vous avais dit que ce sur quoi on s'était retrouvé avec Patrick, c'était qu'il y avait tout Lacan dans la troisième. Donc, c'était une proposition un peu ambitieuse, hein. D'abord, avec le concept de tout chez Lacan, parce que vous savez que c'est pas possible, c'est un pas tout, mais malgré tout... C'est le cas de le dire. Donc, il y a l'essentiel du corpus de l'enseignement dans cette conférence de Rome que j'avais présentée à l'époque comme une performance artistique, c'est-à-dire une performance locutoire. Donc, la parole de Lacan qui se déploie sur le mode même d'un automobus, c'est-à-dire qu'il part, commence, et puis petit à petit, il va... arriver à présenter l'ensemble des articulations, des concepts de son enseignement en 2 heures et quelques, avec les schémas, les tableaux, etc. Donc, peut-être qu'en 10 séances, c'est un peu court, mais on a malgré tout abordé certaines notions. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si parmi les auditeurs, certains y ont trouvé leur compte. Personnellement, moi, j'ai trouvé mon compte. En tout cas, en réécoutant pour la énième fois, la troisième, j'ai découvert beaucoup de choses, alors que je pensais en avoir fait le tour. Enfin, non, je ne croyais pas vraiment, mais j'ai découvert beaucoup de choses, notamment des choses très utiles pour des décisions à prendre subjectivement, personnellement, puis aussi pour comprendre un peu mieux l'actualité, notamment. C'est-à-dire l'ultra-domination du discours capitaliste dans toutes les sphères de l'activité. Et par exemple, on en discutait un peu tout à l'heure avec Patrick, une des implications extrêmement précises, c'est que voilà, des choses comme le mariage pour tous, la PMA, les trucs comme ça, etc. Donc j'ai soutenu la position que c'était contraire à l'enseignement lacanien, et que c'était du discours capitaliste. Et en fait, j'ai retrouvé chez Judith Butler, qui est à l'origine de la gender theory, la source de l'erreur logique. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Butler, donc on l'entend ça dans la troisième quand il parle du réel, hein, la détermination sexuelle, elle n'arrive pas à entendre ce que ça veut dire que la différence sexuelle est de l'ordre du réel. C'est-à-dire que pour elle, par exemple, le réel... c'est quelque chose qui passe par le symbolique, et donc, in fine, ça devient une détermination symbolique. Mais ce faisant, en fait, elle tombe à un niveau pré-kantien. C'est-à-dire que, pour elle, le réel, c'est quelque chose qui se cache derrière le symbolique. C'est un peu la chose en soi de Kant, et on l'a vu dans l'analyse de la troisième, que la logique lacanienne, qui est une logique qui introduit la temporalité, donc la performativité rétroactive du signifiant, fait que le réel ne peut se découvrir qu'après coup à travers le symbolique sur le mode d'une supposition. Le réel n'est pas substantiel, c'est pas la chose en soi. Le réel, c'est un écart, c'est un creux. Donc si la différence sexuelle est réelle, ça veut dire tout simplement que le réel, c'est la limite interne au symbolique. C'est pas quelque chose qui est caché derrière le symbolique. C'est une limite qui est inhérente, interne au symbolique. Ça, c'est une erreur logique. Et cette erreur logique-là, qui est pré-kantienne, donc, va déterminer, comme tout réel, la réalité. La réalité sociale est gouvernée, dominée par ces choses-là, par exemple. Si des lois passent, des choses comme ça, c'est parce qu'il y a une incompréhension logique qui va amener à des déterminations qui vont influer sur la vie des par-lettres que nous sommes. Donc l'enseignement de Lacan est plus que jamais d'actualité, et sa précision la précision syntaxique qu'il emploie, la précision lexicale, ça c'est quelque chose qui ne peut pas tromper. Donc on discute de temps en temps sur des interprétations qui en sont faites, notamment par des prétendus lacaniens, parce que beaucoup se prétendent lacaniens. La plupart d'ailleurs sont ceux qui trahissent le texte de Lacan. Voilà, il s'agit de réécouter la troisième et de réécouter Lacan dans la subtilité de ses articulations, parce que non seulement c'est pas passé, hein, c'est pas passé de mode, Freud ni Lacan, mais encore moins Hegel ou Kant non plus, mais c'est totalement actuel. Voilà, et c'est vrai que pour ça, Borges dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est « ce qui compte, ce n'est pas de lire, mais de relire ». Et de la même manière, donc là, c'est de réécouter, la troisième, de réécouter Lacan, et d'essayer d'entendre ce qui est très difficile à entendre, en fait, finalement. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps, on va passer à la suite et essayer d'écouter. Ce qui est frappant, c'est ceci. C'est que s'il y a quelque chose qui nous donne l'idée du se jouir, c'est l'animal. On peut en donner aucune preuve, mais enfin ça semble bien être appliqué par ce qu'on appelle le corps animal. La question devient intéressante à partir du moment si on l'étend et si au nom de la vie, on se demande si la plante jouit. C'est quand même quelque chose qui a un sens. Parce que c'est quand même là qu'on nous a fait le coup. On nous a fait le coup du Lys des champs. Il ne tisse ni ne file, a-t-on ajouté. Mais il est sûr que maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter de ça pour la bonne raison que justement c'est leur cas de tisser et de filer. Pour nous qui voyons ça au microscope, il n'y a pas d'exemple manifeste que c'est du filet. Alors, c'est peut-être de ça qu'ils jouissent de tisser et de filer. Mais ça laisse quand même l'ensemble de la chose flottante, hein? La question reste à trancher si vie implique jouissance. Si la question reste douteuse pour les étals, ça ne met que plus en valeur qu'elle ne le soit pas pour la parole. Que la langue ou la jouissance fait dépôt, comme je l'ai dit, non sans la mortifier, n'est-ce pas, sans qu'elle ne se présente comme du bois mort, témoigne quand même que la vie, dont un langage fait rejet, nous donne bien l'idée que quelque chose de l'ordre du végétal. Faut regarder ça de près, enfin, il y a un linguiste comme ça qui a beaucoup insisté sur le fait que le phonème, ça fait jamais sens. L'embêtant, c'est que le mot ne fait pas sens non plus malgré le dictionnaire. Moi, je me fais fort de faire dire dans une phrase à n'importe quel mot, n'importe quel sens. Oui. Alors, si on veut dire à n'importe quel mot, n'importe quel sens, où s'arrêter dans la phrase, où trouver l'unité élément. Puisque nous sommes à Rome, je vais essayer de vous donner une idée là de ce que je voudrais dire, de ce que je voudrais dire sur ce qu'il en est de cette unité à chercher du signifiant. Il y a, vous savez, les fameuses trois vertus. Justement théologale. Ici, on les voit se présenter au muraille, exactement partout, enfin, sous la forme de femmes plantureuses. Ce qu'on puisse dire, c'est qu'après ça, les traités de symptômes, force pas la note. Définir le symptôme comme je l'ai fait, enfin, partir du réel, c'est dire que les femmes l'expriment aussi très très bien, le réel. Justement, j'insiste sur ce que les femmes ne sont pas toutes. Alors là-dessus, l'espérance et la charité. Si je les signifie de la foire, de l'espère-homme, Lasciate ogni speranza. C'est un métamorphème comme un autre. Puisque tout à l'heure, vous m'avez passé Urdrum. Les dénommés de ça et de finir par le rattaché, à savoir l'archiraté. Il me semble que c'est une incidence plus effective pour le symptôme. Hein. Pour le symptôme de ces trois femmes, ça me paraît plus pertinent que ce qui, au moment où on se met à rationaliser tout, parce que qu'est-ce que c'est autre chose que les trois questions de Kant avec lesquelles j'ai eu à me dépêtrer à la télévision, savoir. Que puis-je savoir, que m'est-il permis d'espérer, c'est vraiment le compte, et que dois-je faire, c'est quand même très curieux, enfin, c'est pas qu'on en soit là. Non, pas bien sûr que je considère que la foi, l'espérance et la charité soient les premiers symptômes à mettre sur la sellette. Pas des mauvais symptômes, enfin, ça entretient tout à fait bien, enfin, la névrose universelle, enfin, n'est-ce pas, mais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses n'aillent pas trop mal, enfin, soient tous soumis au principe de réalité, c'est-à-dire au fantasme, enfin. Enfin, l'Église quand même est là qui veille, et une rationalisation délirante, Kant, enfin, c'est quand même ce qu'elle tamponne, hein. J'ai pris cet exemple comme ça, pour ne pas m'empêtrer. Lorsque j'avais commencé d'abord par vous donner comme jeu, comme exemple, enfin, de ce qu'il faut pour traiter un symptôme. C'est pas quand j'ai dit que l'interprétation, ça doit toujours être comme on l'a dit, et pas plus tard qu'hier, à savoir Tostin, le Réglet, Marcel Duchamp, enfin qu'au moins vous en entendiez quelque chose. L'essentiel qu'il y a dans le mot, c'est là que doit viser notre interprétation pour n'être pas celle qui nourrit le symptôme de sang. Et puis Ce truc-là, ce glissement de la foi, l'espérance et la charité vers la foi. Je dis ça parce qu'il y a eu quelqu'un hier soir à la conférence de presse ou avant-hier soir a trouvé que j'allais un peu fort. Foi et de la foi, c'est un de mes rêves. J'avais bien le droit, tout comme Freud, afin de vous faire part de mes rêves. Contrairement à ceux de Freud, ils sont pas inspirés par le désir de dormir. C'est plutôt le désir de réveil, moi, qui m'aide. Enfin, c'est particulier. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Je sais pas. Vous entendiez ou pas? C'était difficile à entendre? Un peu, ouais. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que ça, c'est très fort, en général. Oui. Encore un coup du réel. Vous avez rien entendu alors? La foi, l'espérance et l'amour et la charité, donc oui, c'est. Ça passe pas trop bien, mais. C'est bizarre parce que c'est pas là que la bande déconne plus tard, mais pas là. Oui, ouais, je comprends. Il y a un effet d'écho là. Oui. Bon, ben. De toute façon, vous pouvez l'écouter là, puisque vous. Vous allez la prélever sur le lien que je vous ai donné et écouter ce passage-là. Hein. Bon, alors juste il y a un premier point, après on aura un second. Le premier point, puisque tu en as parlé au départ, la différence sexuelle homme-femme, oui. Et en disant que dans la gender théorie, justement, il ne tenait pas compte de la radicale différence réelle. Hein, mais il faisait tout basculer dans le symbolique. Alors que dans le symbolique, effectivement, on peut dire que tout est presque pareil, en gros. Hein. Par exemple, politiquement, on définit pour les hommes et les femmes une politique de la parité. Il faudrait donc, d'ailleurs c'est toujours comme ça que ça se présente, il faudrait que les femmes soient l'égale de l'homme. Hein. et donc qu'elle touche le même salaire. C'est tout basé sur une unité de valeur comme ça, qui bien entendu est un aveu de la dévalorisation affirmée depuis toujours, en tout cas dans nos sociétés, des femmes. Hein, c'est forcément comme ça. Alors que le terme que permet d'introduire, en tout cas à partir de Lacan, qui devrait être utilisé, il faudrait utiliser le terme d'équivalence. Parce que l'équivalence est un terme mathématique qui veut dire que deux éléments équivalents, c'est pas du pareil au même, mais il y a entre eux une différence absolue. Et donc, on peut pas les comparer à partir d'unités de valeur. Évidemment, le terme d'équivalence, il n'est pas passé dans la langue commune pour définir ça. Voilà, ça c'est un premier point, comme oui. ça, vous les soulevez. Oui. Hein? Alors, juste aussi un autre point, c'est ce que ça veut dire, cette différence absolue et cette différence réelle, ça veut dire qu'ils ne sont pas complémentaires, comme justement voilà. des prises mâles et une prise femelle, l'un va entrer dans l'autre, et c'est complémentaire. C'est pas par ça hasard marche. Qu'on les appelle comme ça. Voilà, et ça ne marche pas parce que c'est déjà deux manières de rater le tout, c'est deux tout ratés. L'homme est un tout raté et la femme est un tout raté, donc c'est deux manières différentes de rater le tout. Donc c'est en ça où la différence sexuelle est réelle. Et donc c'est là où on peut parler effectivement d'équivalence, mais pas d'égalité. Donc c'est dans la précision syntaxique qu'on va retrouver une possibilité de s'y retrouver, parce que sinon, on peut dire que le social, qui est le produit du refoulement, va nous amener à une zone de flou qui va pervertir les possibilités. Hein. Alors, tiens, ça me fait penser justement là. Du coup, ça me donne une idée. C'est que Lacan pose bien que cette différence, elle se repère dans des modalités de jouissance différentes. L'homme de base, hein, c'est pas les tous les. L'homme de base, il se définirait comme ayant une jouissance toute phallique. Oui. Mais c'est pas parce que sa jouissance est toute phallique qu'il y a toute la jouissance contenue dans la jouissance phallique. Hein, c'est une part de jouissance qui ne tient pas compte d'autres modalités de jouissance que l'homme, on pourrait le dire comme ça, auquel l'homme n'a pas accès. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais il n'a pas accès. Alors que du côté de la femme, quand Lacan elle dit qu'elle n'est pas toute, ça ne veut pas dire que c'est une moitié de l'homme, même si ça se dit dans notre histoire, ça veut dire que elle, sa jouissance, elle n'est pas toute phallique. C'est ça. Mais qu'elle en a une autre, voilà. Une autre supplémentaire. Donc qu'elle a un champ de jouissance, non seulement elle n'est pas privée de la jouissance phallique, mais elle a une jouissance supplémentaire qui fait que sa jouissance est plus étendue que celle de l'homme. Voilà, c'est ça qui est difficile à comprendre, et qui renvoie au premier moment de la troisième, c'est-à-dire cette notion de jouissance, c'est au tout début, donc c'est comme ça qu'on l'a présenté, c'est dans le « je pense donc se jouit », c'est-à-dire qu'il y a deux manières différentes qui vont définir la femme en tant que féminin et l'homme en tant que masculin, de se situer par rapport à ce choix qui est un choix forcé. Le choix, c'est entre la pensée et l'être. Donc l'être, c'est l'être de la jouissance, on n'y accède pas. Alors l'homme, bien sûr, c'est celui qui choisit l'être. Donc lui, il est dans le « je suis ». Mais comme c'est un choix forcé, évidemment, un choix forcé, ça veut dire qu'on perd à tous les coups, qu'il n'y a pas vraiment de choix. Donc, ça se déplace logiquement sur la manière dont il substantialise, lui, son propre sujet. Comme il n'y a pas accès à l'être directement, puisqu'on est directement dans le langage, lui, il va faire de son jeu un moi. Donc, un moi-je. Moi. Donc, ça donne la position masculine. La femme, elle, comme on l'a vu avec l'image d'Alien, elle choisit le penser. C'est-à-dire que le penser, c'est une pure position subjective, absolue. C'est-à-dire sans aucun prédicat. C'est le point le plus abouti donc, de la possibilité subjective. C'est pour ça que le sujet vient par les femmes. C'est pour ça que la psychanalyse arrive par la clinique des hystériques, par Freud, etc. Parce que la vérité ne peut venir que de là. Donc les positions sont différentes par rapport à déjà cette position subjective, c'est-à-dire avant même le corps. Parce que le corps, lui, il vient après coup, contrairement à, on s'imagine qu'il y a le corps et qu'après, hop, il y a le langage qui arrive, etc. Ça aussi, c'est une mauvaise interprétation, parce que quand on interprète la colonisation par le langage du corps, c'est que le sujet existe avant le corps. Donc il est déjà, en tant que, bien qu'il n'existe pas, c'est un paradoxe, il y a deux manières de considérer l'existence, il y a l'existence et l'existence. Donc on peut dire que l'existence, c'est-à-dire ce point extérieur... Précise que le sujet, c'est le sujet du discours, du signifiant. C'est le sujet du signifiant, bien sûr. Qui explique qu'il est parlé par ses parents avant sa naissance, oui. Et que donc il lui est attribué, pour le futur, un certain nombre de signifiants fondamentaux dont il sera sujet. C'est pour ça qu'on peut dire ça comme ça, oui. Que le sujet, il est déjà constitué avant la venue de son être biologique au monde, et que même, il est probable que ça détermine sa venue au monde. Et son corps. Non, c'est-à-dire que le désir des parents se croise et peuvent effectivement avoir un enfant, désirer un enfant, oui. Et que ça dépend plus du désir que de la biologie. C'est ça, exactement. Donc le corps, c'est le début de ce qu'on vient d'écouter. Là, le corps, il se demande si... D'abord, il remarque que le corps animal se jouit, et puis il se demande si les plantes jouissent. Parce que le corps, c'est la jouissance. Il faut avoir un corps pour jouir. C'est la base de l'enseignement lacanien, mais ce qui est le plus simple et paradoxalement le plus difficile à admettre, c'est que justement, on en a parlé la dernière fois, c'est apprendre à compter jusqu'à 3. Et apprendre à compter jusqu'à 3, c'est parce que la division ne tombe jamais juste. Il y a toujours un reste. Le reste, c'est ça, le corps. Après, ça va donner l'objet petit a, etc. C'est qu'il n'y a pas deux. Hein. Aujourd'hui, si vous dites Hollande, il fait n'importe quoi, ça veut dire que vous êtes pro-Sarkozy. Ça ne veut rien dire. Les gens, ils sont toujours dans un truc de binarité débile. Et en fait, apprendre à compter jusqu'à 3, c'est apprendre à se situer autrement parce qu'il n'y a jamais deux. Il y a toujours 3. Voilà. Il y a toujours 3. Comme dans la dialectique hegelienne, c'est 3. Il y a 3 temps. Donc le 2 donne 3 tout le temps parce qu'il y a toujours le sujet qui est concerné. Donc dans la plante, la manière dont... Est-ce que la plante jouit? Alors il se pose la question et il dit, parce que c'est une métaphore biblique de dire que les plantes, ça va pour elles, quoi. Elles sont là, elles n'ont pas trop à penser. La rose est sans pourquoi. Voilà. Et là, elle lui dit, maintenant, on voit qu'elle tisse et qu'elle file. Donc, c'est peut-être leur mode de jouissance, c'est-à-dire de se créer, de se constituer en tant que corps. Voilà. Et, de jouissance de la vie. Hein, voilà. Parce que c'est à l'origine, c'est ça. Donc, ce sont des notions tellement simples. Paradoxalement, c'est parce que c'est trop simple qu'on n'y arrive pas. On est façonné de manière à ce que ce soit très compliqué. Et en vérité, c'est de revenir à ce simple-là qui est le plus difficile. Alors lui, il essaye de le dire le plus simplement possible, ça aussi c'est un paradoxe, les gens trouvent que c'est très compliqué, Lacan, il n'y a pas plus simple en fait, mais c'est nous qui sommes trop compliqués pour accéder à ce simple. Le simple, ce n'est pas le simplisme, le simple, c'est une tension interne des signifiants entre eux qui font que le sujet peut s'y trouver convoqué. Ce n'est pas quelque chose qui est avec des niveaux abrasés, on revient tout au 1, comme aujourd'hui, c'est l'unité, là, les trucs, ça se voit dans toutes les manifestations, par exemple, pourquoi le football aujourd'hui a autant d'un seul coup de fans, tous les hommes, toutes les femmes, ils sont tout pauvre. Parce que comme il n'y a pas du tout de lien social, ou très peu, c'est ce phénomène-là d'émotion collective qui donne l'illusion d'une unité, c'est-à-dire de trouver sa place dans l'univers symbolique. Donc de faire partie d'un collectif social, ça donne une sorte d'identification extrêmement forte, donc que vous pouvez voir tous les jours. Hein. Comme on disait tout à l'heure, vous pouvez circuler librement à Paris les jours de match en ce moment, parce qu'on n'a jamais vu ça. Il y a toujours eu des engouements, mais là, à ce point-là, quand même, c'est fantastique. Hein. C'est les hommes, les femmes, tout le monde. Je connais des femmes qui, il y a 10 ans, c'est même parce que c'est un joueur de football. Aujourd'hui, ils connaissent tous les joueurs, etc. Parce qu'il y a une espèce d'effet d'unité, comme ça, qui est totalement artificiel, de trouver, par l'émotion, une place dans l'univers symbolique. Ça, on est vraiment dans... on est au cœur de ce dont essaye de parler Lacan. C'est-à-dire, comment se situer par rapport au sujet, le sujet par rapport à la jouissance, etc. Tu me suis embarqué un peu loin. Il y a un autre point aussi, parce que comme tu as parlé de la précession du sujet, oui, par rapport au corps, il y a quand même un virage à partir de là, depuis qui a commencé plus d'un an avant avec Encore, c'est qu'il va justement ramener en avant, par rapport au corps, la primarité de la jouissance sur le signifiant. Voilà, oui. Et il va faire du signifiant, oui, qui était au départ un interdicteur de la jouissance, et l'interdit, la castration, tout ce qu'on voudra, oui, il va faire au contraire du signifiant à la fois cette dimension de la subjectivité, et en même temps, il va lui donner une primarité comme cause de la jouissance. Hein, c'est important. Donc, il est bien parti dans cette conférence de la troisième, sur le ronron du chat, pour dire qu'à l'origine, il y a un corps jouissant, qu'on ne jouit que du corps, et que la jouissance, elle ne se fait que du corps, donc il n'y a pas de jouissance éternelle, faut bien se le dire. On ne sait pas si les morts jouissent, quoique il y a des films comme Les Morts Vivants et autres, La Nuit des Morts Vivants et d'autres films où on présente ça, donc oui, c'est un pur fantasme, au fond, que... Et en fait, c'est souvent d'ailleurs un pur fantasme, et en plus, un fantasme qui montre qu'il y a une espèce d'horreur de la jouissance, justement. Hein, c'est qu'au moins la mort, elle met un terme à la jouissance de la vie, qui n'est pas toujours drôle, d'ailleurs. Oui, oui. Là, c'est un dépassement du truc. Hein. Bon. Ça. Alors, bon, voilà. Ça, c'est important de voir que ce virage, il est là, et que le signifiant cause de la jouissance va avoir des effets, justement, de ce qu'il appellera civiliser la jouissance. Oui. Qui serait autrement... Complètement explosé, je dirons-nous. Ça le civilise, et en particulier le signifiant et la cause du symptôme. Ça veut dire qu'on joue avec le langage. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'avec le langage qu'on peut jouer. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer autrement. C'est ça le truc à dire simplement et qui est très difficile. C'est qu'on a l'impression que la jouissance serait hors langage, alors que justement, non. Puisque. On a vu ce qui fait bord avec la jouissance, c'est la notion de l'être. L'être, c'est pas pour rien dans l'esprit lacanien que ça, c'est homophone à l'être et l'apostrophe, parce que ce sont des signifiants qui sont imprégnés de jouissance pour nous. Mais ça ne contredit pas ce qu'il disait au départ Lacan, c'est-à-dire que pour l'être parlant que nous sommes, la jouissance est interdite en tant que telle. Donc interdite, c'est aussi dite entre. Donc ça, c'est la notion de réel qu'on a vu, et c'est cette notion-là de l'être. C'est pour ça qu'on tourne autour de cette jouissance là, depuis la dernière séance, parce que ça, c'est vraiment le point central. Alors il y a une autre distinction à faire, justement, c'est que s'il y a un sujet du signifiant, donc le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, il n'y a pas de sujet de la jouissance. Hein ? Dans la jouissance, on n'est pas sujet. Là, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et du coup, il n'y a pas de science de la jouissance, et ça n'existe pas l'initiation à la jouissance. Chacun, dans sa singularité, apprend à faire avec elle en fonction de ses contingences de rencontres. Hein. Voilà. Bon. Alors. Jouissance, symptôme, hein, avec les trois vertus théologales. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, moi. Vas-y. Je ne pige pas pourquoi il dit les femmes plantureuses, oui, hein, les trois vertus justement théologales, femmes plantureuses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après ça, à les traiter de symptômes, on ne force pas la note. Pourquoi il dit ça comme ça? Ça, je comprends pas. Pourquoi ces vertus théologales représentées par des femmes plantureuses pourraient être qualifiées de symptômes? C'est un truc que je pige pas. C'est un côté. Enfin, moi, c'est la manière dont je l'ai entendu. Hein, c'est que tu imagines sur les fresques des femmes plantureuses comme ça, qui représentent. Donc les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, donc l'agapé, caritas latine, et elles ont un côté voluptueux, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à voir, hein, et à sentir comme un symptôme. C'est-à-dire qu'un symptôme, l'analysant va venir avec un symptôme pour s'en plaindre. Et effectivement, l'interprétation, comme on l'a vu, puisque c'est le principe de la cure, vise à dissoudre le symptôme. Au départ, c'est une parole qui est perdue dans le corps et qui va faire souffrir, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'elle se révèle. Donc il y a un point où ça s'arrête, c'est-à-dire que le symptôme ne se dissout pas intégralement, parce qu'il est le nœud d'une jouissance, un noyau de jouissance. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui résonne avec, disons, l'image féminine aussi, de la femme, pas toute, qui est le réel. Hein, c'est-à-dire que justement, sa jouissance qui n'est pas exclusivement phallique, contrairement à celle de l'homme, l'amène à être du côté du réel et à très souvent être le réel de l'homme. Puisque on dit que la femme est le symptôme de l'homme. Moi, je verrais un autre aspect de la chose. Vas-y. C'est que quand même, ces trois plantureuses-là, j'en ai vu des tableaux comme ça à Rome en particulier, il y en avait plein, c'est quand même une évocation de la jouissance. Ça, malgré tout, hein. C'est une provocation à la jouissance. Et justement, de les qualifier de symptômes, c'est parce que c'est ce qu'il est en train d'élaborer. C'est-à-dire qu'il est en train d'élaborer que le symptôme, c'est pas seulement une métaphore signifiante, ce qui était sa définition antérieure, mais que le symptôme, il est jouissance. Oui. C'est pour ça qu'il le rapporte là. Et alors ça renvoie à une autre définition qui est peut-être plus difficile à accrocher, c'est quand il dit qu'est-ce qu'une femme pour un homme. Alors il répond, une femme c'est un symptôme. Alors on voit le raisonnement, une femme est un symptôme, donc il veut dire que la femme est prise comme un corps à jouir pour l'homme. Vous entendez la démarche, les représentations, tout ça sont faites comme ça. Mmh. C'est pas par hasard qu'on nous expose très souvent des femmes nues, qu'on met des photos, c'est beaucoup plus fréquent, on voit rarement des photos d'hommes à poil un peu partout, c'est très rare. Ça n'a pas la même fonction érotique. Voilà, ça arrive maintenant, mais traditionnellement, disons, voilà. C'était plutôt... Et alors, le pendant à la question, justement, c'est et qu'est-ce qu'un homme pour une femme ? Et là, il répond pas du tout de la même façon. Il dit c'est un ravage. C'est un ravage pourquoi ? Tout simplement parce que si la jouissance féminine n'est pas toute phallique, puisqu'elle a une part de jouissance à elle, l'homme, quand il a ce rapport à la femme, enfin, de façon générale, il lui injecte du signifiant, c'est-à-dire qu'il essaye finalement de significantiser la jouissance féminine, c'est-à-dire donc de causer un ravage là où justement elle n'a pas besoin de ça. Ça se passe, je vais vous le donner dans un exemple très simple, c'est l'histoire de l'invention du point G. Hein, que les biologistes ont découvert un point G chez les femmes qui serait vraiment le secret de la jouissance féminine, ce qui est évidemment une aberration par rapport à ce que d'expérience, il ne s'agit pas de ça. Alors ça allait très loin cette histoire, parce que je l'en avais parlé je crois la dernière fois, il y avait des chercheurs américains, maintenant peut-être qu'on ne les connaît plus de nom, Master et Johnson, mais ils sont en train de refaire ça actuellement avec les IRM. Ils mettaient une caméra dans le vagin des femmes pour essayer de filmer ce qui se passait au moment de l'orgasme. Alors maintenant, c'est beaucoup plus élaboré, puisqu'avec les IRM, ils essayent de visualiser ce que peut être la jouissance féminine à partir d'un appareil d'enregistrement. Voilà, je vous disais toutes ces choses-là. Vous voyez bien ce que ça veut dire, le ravage. Ouais. Il y a quand même des bonhommes qui font ça. Hein, il y a un autre exemple très connu, c'est le film, peut-être le meilleur film de toute l'histoire du cinéma d'ailleurs, c'est Vertigo d'Hitchcock. Donc, vous connaissez le thème, tout le monde, hein, Madeleine et sa remplaçante. Donc, et en fait, on peut dire avec un peu d'humour, comme les cow-boys disaient ça des Indiens, pour Scotty, là, une bonne femme est une femme morte. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit mortifiée absolument pour correspondre exactement à son fantasme. Donc c'est le changement de la remplaçante en Madeleine, qui est en fait la même, Et c'est l'impasse masculine absolue. C'est-à-dire que Lacan, par exemple, quand il parle des femmes et des positions, il dit absolument l'inverse de ce qu'on lui prête. C'est-à-dire que pour lui, la position du sujet, la position évolutive dans la lignée de Freud, elle est du côté de la femme. Ce sont les hommes qui sont pas à la hauteur. Alors, pas à la hauteur aussi, je renvoie à la filmographie de Rossellini aussi, hein, son histoire aussi. Et ça, c'est magnifique avec Ingrid Bergman. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire aussi, que Ingrid Bergman, elle va voir un jour dans un cinéma à New York un film qui s'appelle Roma città aperta, Rome ville ouverte. Et puis elle tombe en admiration devant le cinéma de Rossellini. À l'époque, c'est la plus grande star d'Hollywood. Elle envoie une lettre à Rossellini, donc elle lui dit je suis une actrice suédoise, je parle l'anglais. Les deux seuls mots que je connais en italien, c'est ti amo. Donc elle envoie la lettre. Et à l'époque, c'était les studios Minerva, puisque c'était pas encore Cinecittà. Et donc c'est encore une preuve de vraiment la pertinence de Lacan. Une lettre arrive toujours à sa destination. La lettre arrive. Les studios prennent feu, mais la lettre est intacte. Et donc, à Minerva, ils appellent Rossellini, et à l'époque, Rossellini est en bisbille avec les studios, il leur raccroche au nez, etc. Il lui envoie la lettre, et là, le secrétaire de Rossellini lit la lettre et dit mais incroyable, Ingrid Bergman, regardez ce qu'elle vous écrit, etc. Et lui, il dit mais qui est Ingrid Bergman? Il dit c'est la plus grande, la plus belle actrice de tous les temps. Elle abandonne tout pour venir faire un film avec vous. Ah, il dit, ah oui, c'est vrai. Répondez-lui que j'ai déjà rêvé le signifiant. Il dit un truc parce que dans son film Rome a città aperta, les deux figures du mal, c'est le nazi s'appelle Bergman et la lesbienne nazie tortionnaire s'appelle Ingrid. Donc le thème Ingrid Bergman était déjà contenu au préalable dans son film comme pure figure du mal. Alors évidemment, Rossellini, c'est comme s'il y avait une irruption du réel dans sa vraie vie. Donc elle arrive et donc il se passe ce qui doit se passer, ils deviennent amants et ça se passe très bien. Donc Isabella Rossellini est née de cette union. Et ensuite, la filmographie de Bergman a toujours été de mettre en scène l'impossibilité qu'il avait d'être à la hauteur de l'amour de cette femme. Voilà. Notamment Stromboli, c'est magnifique Stromboli. Hein. C'est donc la puissance d'amour de cette femme qui ose un sacrifice symbolique. C'est-à-dire qu'elle abandonne toute sa vie pour lui, pour tourner avec. Et lui, il ne peut que se rendre compte qu'il n'est pas à la hauteur de ça. Donc voilà, et on peut dire ça de l'enseignement de Lacan, hein, contrairement à ce qu'on croit, parce que même être le symptôme de l'homme, c'est pas du tout quelque chose de dévalorisant, dans l'idée de, justement, du côté que le symptôme, c'est le réel de l'homme, qu'il essaye de fuir en permanence. Hein. Donc, voilà. Oui, mais elle, l'avantage, c'est qu'elle trouve un accrochage signifiant à sa propre jouissance. Voilà. Hein, voilà. C'est-à-dire que, comme ce sont des termes, il y a des signifiants qui lui permettent un accrochage, plutôt que d'être dans la dérive total dans la jouissance. Hein. On voit un peu l'envers du ravage là. Voilà, c'est ça. Là, on a les deux côtés. Les deux côtés de l'impasse, donc l'impasse masculine et l'impasse féminine, qui ne se complètent pas. Voilà. C'est ça que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est tout simplement ça. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complétude à attendre. C'est profondément asymétrique, notre relation à ce qu'on appelle monde. En fait, il n'y a pas de monde, Lacan dit. D'ailleurs, il est immonde. Il n'y a qu'un objet petit a. C'est ça que ça veut dire, c'est que c'est profondément asymétrique. On va filtrer nos représentations avec cette image, cette trame qui va, selon nos désirs, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, alors là, on en est là. La foire, l'espérogne et l'archiraté. Oui. Alors, foi, espérance, charité, voilà ce qu'il donne, lui. Alors, moi, je dirais que, tout à l'heure, en l'écoutant, j'ai noté que ce que j'entendais, c'est que la foi, c'était du domaine symbolique, l'espérance, c'était imaginaire, et la charité, la caritas, c'était le réel. Donc pour ça que lui les transforme. Toi, tu l'entends comme ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'envers, en fait, c'est l'envers de ces éléments-là. C'est pour ça que lui les déforme, un peu comme dans le... C'est comme si l'histoire du monde inversé, hein, comme dans le film de Kieslowski, Les Dix Commandements, ou dans la bande-son, il y a tous les commandements, mais qui sont dits de manière inversée, c'est-à-dire « vol, tue », etc. C'est-à-dire « tu ne tueras pas »,« crois dans d'autres dieux ». C'est ce que ça veut dire d'ailleurs réellement, les Dix Commandements. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire qu'on ne fait que ça. Oui. Quand on interdit, c'est le rail le plus sûr pour trouver l'objet du désir. Donc, tu ne tueras pas, et en plus ça, c'est lié au futur. Donc, au fond, quand tu tues, tu ne tues pas vraiment, tu te trompes toujours. Ouais. Hein, mmh. C'est-à-dire c'est que tu n'auras pas tué vraiment. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça. Mais c'est aussi une indication, c'est pour ça que d'ailleurs, ça c'est important ce point-là, parce que justement, dans les Dix Commandements, il n'y a pas l'interdit de l'inceste. Donc ça peut pas se transgresser, c'est pas une loi qu'on peut transgresser. C'est-à-dire que l'inceste, ça n'est pas du tout l'interdit de l'accoucherie, hein, parce que ça c'est une réduction totale. L'interdit de l'inceste, il porte sur la transmission de la langue entre les parents et l'enfant. Et s'il y a des ratés à ce niveau-là, c'est pour ça que Lacan d'ailleurs dit qu'il y a un rapport, il n'y a pas de rapport sexuel sauf entre les générations voisines. Alors c'est difficile de comprendre ça, parce que il semblerait, enfin moi je l'entends comme ça, ça voudrait dire qu'au fond, le seul moment où il y a un lien direct, disons, entre les signifiants et le corps, c'est dans la transmission de la langue, en particulier par l'adulte éducateur et tout spécialement par la mère qui a une position privilégiée, puisque elle, au moins, par rapport aux autres types de maternité, qu'ils soient adoptifs ou pas, c'est quand même, il y a un corps à corps au départ. Hein. Il y a un corps à corps qui n'est pas sans jouissance, et c'est par là que se transmet le signifiant. Alors là, on voit bien qu'il y a une inscription. Hmm. Du signifiant dans le corps, et que là il y a ce qu'on pourrait appeler rapport sexuel, hein, au sens où Lacan le définit. Le rapport, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle, ça veut dire que ça ne peut pas s'inscrire. Le sexe est toujours au-delà du signifiant comme réel, on c'est retrouve ça. La différence sexuelle, c'est et que ça ne peut pas s'écrire ça. C'est ça que ça veut dire. C'est un rapport qui ne peut pas s'écrire, et que dans tous les discours, et bien entendu, c'est découvert par la psychanalyse, dans tous les discours ça manque, mais dans la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a un trou, et que dans tous les discours ça manque. Et ça, c'est en général recouvert par des discours totalitaires, y compris celui de la science, qui s'imagine qu'il va pouvoir symboliser tout ce qui serait le réel. Ouais. Et du coup, dans la science, c'est ça qui est important comme mouvement, c'est que dans la science moderne, et vous le lisez avec les neuroscientifiques ou d'autres, enfin par exemple avec eux, qu'au fond, le réel dont ils parlent, en fait, c'est du symbolique. C'est-à-dire que tout le réel, pour eux, est passé dans le symbolique. Mmh. Alors, dans la physique, évidemment, c'est un peu différent, parce que et à chaque fois, il cherche l'unité élément, là, comme Lacan. Et donc, à chaque fois qu'on avance dans la matière, on trouve à nouveau des nouvelles particules, et ça continue, et que eux-mêmes non plus ne saisissent pas le réel. Mais il faut qu'ils le reconnaissent comme tel. Hein. Mm. Voilà. Voilà les points à soulever à ce niveau-là. Oui, alors si on revient, donc, pourquoi il se moque de la foi, il appelle la foi. Ce qui est le ratage radical, hein ? Qui est la confusion, à mon avis. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à la foi, il y a une différence entre la confiance, la foi, la croyance, par exemple. Et là, ça devient la foi, puisque c'est n'importe quoi. Enfin, c'est comme ça c'est que la je foi. L'entends. C'est la foi. Donc, par exemple, dans les Juifs anciens ne croyaient pas en Dieu, Jéhovah, mais ils le croyaient dans le contrat qu'ils avaient avec lui. C'est-à-dire que la foi, elle est d'ordre symbolique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de croire que ça existe. Par exemple, notre rapport au grand autre. Si, je sais pas, je me dis, je vais faire ça, Je sais que le grand taux n'existe pas, que personne m'a dit ça. Mais je vais y croire au point de l'accomplir. Je m'étais dit que j'allais le faire, je vais le faire, etc. Donc c'est la différence entre le croire et y croire. Donc, là, tu fais un saut entre foi et croyance. Oui, oui, mais c'est pour ça que je dis que lui, il dit la foi, ça devient la foi. Parce qu'il y a, si tu veux, la foi devient la croyance, comme il parle beaucoup de la parole de Dieu dans la troisième, il dit ça m'étonnerait quand même que Dieu sache pas ça, que c'est pas la multiplication des petits poissons, etc. Il se place sur une lecture de la Bible qui est très très précise et qui ne va pas en contradiction avec ses propres découvertes. Mais sauf que c'est devenu ça par le recouvrement de la confusion qui accompagne la lecture et qui devient n'importe quoi. Donc. Moi, je verrais ça aussi dans ce que représente avec les religions, c'est la foire, quoi. Oui. C'est même la foire d'empoigne. C'est ça. Il y a des religions, c'est quand même toujours à ce niveau-là que voilà, ça se passe. Voilà. Moi, je le verrais comme ça. Oui, c'est aussi quand ça. Même, on meurt au nom de la foi, quand même. Hein. Et alors, ça a des conséquences et c'est poussé à des. Mais justement, là, ça devient une là, c'est plus de la foi, c'est de la croyance. Alors, puisque la mort est du domaine de la croyance. Voilà. Puisque la mort, c'est un mot. Donc, c'est là où, justement, il y a un écart à faire entre la foi et la croyance. Voilà. D'accord. Et effectivement, les religions, c'est la foi. Donc, on le voit tout le temps. Là, c'est vraiment la grande foi. En ce moment, ça a repris de plus belle, bien sûr. Ensuite, donc... Je peux faire une petite note. Vas-y, oui. Il y a une chanson très connue, enfin un chant religieux très connu, c'est Je crois en toi, mon Dieu. Oui. L'ombre voile mes yeux, mais j'ai la foi. C'est-à-dire que là, dans ce chant, dans ce cantique, je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. L'ombre voile mes yeux, mais j'ai la foi. C'est-à-dire que là, dans ce cantique, il y a une séparation entre ce que serait la croyance et ce que serait la foi. Et dans l'Église catholique, la foi, c'est un mystère. C'est une vertu, c'est un mystère. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont animés de la foi. Et puis il y a les croyants, c'est un peu différent. Donc les croyants, il faut leur faire le catéchisme, mais les gens qui ont la foi, ils sont dedans. Quoi. C'est important de faire la distinction. Et c'est vrai que la foi, ça fonctionne aussi ailleurs. Ça fonctionne ailleurs aussi. Hein. Ça fonctionne avec d'autres. Dans le nazisme, il y avait quelque chose comme ça par rapport à Hitler. Hein. Il y avait une dimension de croyance, mais il y avait une dimension de foi. Un peuple entier s'est engagé dans un processus religieux à l'égard d'Hitler. C'est absolument sidérant quand on regarde ça maintenant avec le recul, quand on voit ces grandes cérémonies, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein ? Alors je pense que là, par contre, justement, c'est purement de la croyance. C'est-à-dire que... Tu ne mettrais pas de la foi là-dedans ? Non, non, bon. Non. Puisque la foi engage un sujet... l'engage dans sa responsabilité par rapport à un contrat. Là, du moment qu'il y a délégation, c'est la confiance, la foi. Il faut qu'il y ait un rapport, un engagement subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il va être dans la réponse subjective à... il va pouvoir y mettre sa peau là-dedans. Quelqu'un qui a la croyance, c'est pas la même chose. Parce que je ne vois pas ça comme ça. Je pense que la foi, c'est du côté de l'immanence... alors que la croyance est du côté de la transcendance. C'est-à-dire que ça t'adresse, on croit en quelque chose, on y croit, ou on le croit, alors que la foi, c'est immanent, quoi. Moi, je pense que la foi, c'est le croire et pas y croire. Enfin, c'est comme ça que je le... La foi, c'est le croire et pas y croire. Ouais. C'est croire en la parole, tu es obligé de croire en la parole. J'ai foi en toi, par exemple. Tu dirais ça comme ça ? J'ai foi en toi. Je ne sais pas si tu peux dire toi. C'est-à-dire... C'est quand même une expression, hein ? Oui, oui. Mais je pense que c'est un abus de langage. Je pense que s'il y a vraiment la foi, c'est par rapport à une parole qui est donnée. Et c'est là qu'on peut placer la notion de sacrifice, justement. On peut dire que la psychanalyse, c'est une assurance contre le sacrifice. C'est-à-dire la tentation du sacrifice va être sapée et éradiquée par l'analyse. C'est d'ailleurs pour ça que je passe l'espérance du côté de l'imaginaire. C'est-à-dire ça, c'est vraiment totalement imaginaire, l'espérance. Donc, alors, vas-y, continue. Donc on peut dire que la psychanalyse t'opère de l'espoir, parce que ça te ramène à une contingence du signifiant. Donc là, tu es passé de la foi à l'espérance. Oui, là, hein? Oui, oui. À l'espoir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que ce sont des choses qui sont liées, parce qu'il y a la caritas aussi, qui est en grec l'agapé, qui est l'amour politique, en fait. Ça, c'est le réel, en quelque sorte. C'est ce qui correspond à la lutte des classes. Je sais, ça fait un saut un peu vertigineux, mais en réalité, c'est ça. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas pris dans l'aspect du signifiant qui signifie un sujet. C'est pris comme des espèces de valeurs de jouissance, comme ça, et donc ça devient des symptômes. Et il dit que ce ne sont pas des mauvais symptômes, puisque ça... Comme il y a quelque chose qui résonne en nous de cet ordre-là, ça permet de tamponner, c'est son mot, donc le fait que la réalité, c'est le fantasme. Donc on vit tous dans le fantasme. C'est pas des mauvais symptômes, mais il les interprète. Oui. Foi, foire. Oui, oui. Et archi raté quand même. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que dans l'amour, ça rate tout le temps, quoi. Par exemple. Mais oui. C'est pour ça qu'il faut inscrire le ratage a priori. Bon, alors. Donc, mais c'est la même chose avec les questions kantiennes, parce que alors voilà, le que puis-je savoir, donc que m'est-il permis d'espérer, et le que dois-je faire. Alors là, c'est le savoir, il est du côté du réel. Le permis d'espérer, c'est totalement imaginaire, c'est pour ça que ça le fait rire. Et donc, que dois-je faire, c'est le symbolique. Il n'y a rien d'autre à faire qu'essayer de dire son désir. Donc le faire, c'est un dire. Hein. C'est d'ailleurs seulement pour l'analyse qu'il n'y a plus de... Tu te souviens comment il répond aux trois questions dans télévision? Parce qu'il répond aux questions. Oui. C'est des questions qui lui ont été posées par Miller. Oui. Oui. Qui fait semblant, non, il pose des questions. Et il lui répond, alors, si mon souvenir est bon, mais il n'est pas bon en fait. Parce que, disons qu'à que m'est-il permis d'espérer, lui, il répond, il dit, espérez ce que vous voudrez, quoi. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Vous pouvez espérer ce que vous voudrez. Donc, il l'envoie un peu au plot, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse. Oui, c'est l'imaginaire spécifique à chacun. Voilà. Ensuite, que dois-je faire? Là, il répond de façon ferme. Ben, pour moi, il dit, c'est pareil, pour moi, c'est ce que je fais. Donc il est aussi assuré de ce qu'il est en train de faire. Autrement dit, analyste et s'occupant de l'affaire. Mais alors, je me souviens plus quelle réponse il fait à que puis-je savoir. Ça, je me souviens plus quelle est la réponse qu'il fait. C'est bizarre ça. Bon, ben, je verrai plus tard. Je me souviens plus de la réponse qu'il donne. Qu'est-ce que vous donneriez comme réponse? Qu'est-ce que tu donnerais comme réponse? Que puis-je savoir? Comment tu fais avec ça? Puis-je savoir? On est tracassé par ça quand même. Oui, oui, hein? oui, puisque le savoir est. Parce que comme il définit l'inconscient comme un savoir sans sujet, donc un savoir dans le réel, qu'il est possible de questionner par rapport à son sujet. Donc quand tu vas en analyse, en fait, tu apprends à entendre ce que tu dis. C'est-à-dire, le savoir, il est déjà de ton côté, bien que tu es obligé de prêter pour ça à un sujet supposé savoir qu'est l'analyste, mais en fait, c'est le savoir, c'est celui que ton sujet déjà active dans la parole. Donc, que puis-je savoir, c'est ton inconscient, c'est déchiffre ton inconscient. Moi, voilà pourquoi je viens de comprendre pourquoi ça me refait question, ça. C'est parce que là, on est en 74, hein, dans télévision. Que puis-je savoir, c'est en 74. Mais plus tard, il va dire, à un moment donné, et ça a surpris beaucoup d'auditeurs à l'époque, il dit qu'il n'y a aucun désir de savoir, il n'y a, c'est l'horreur qui y préside. Il y a l'horreur de savoir. Alors évidemment, c'est, quand on vous dit ça, vous êtes surpris, parce que dans la vie, vous cherchez à savoir des choses, et tout le monde cherche des trucs. Ben, c'est vraiment très important, parce que lui fait la distinction entre ce qu'il appelle le savoir, lui, c'est-à-dire une chaîne signifiante, une connexion de signifiant. Pour lui, c'est ça le savoir, c'est sa définition. Une connexion signifiante, par exemple le savoir inconscient, c'est une connexion signifiante. Il fait la différence entre ça et la connaissance. C'est-à-dire que donc la connaissance, on cherche à l'acquérir comme un bonus, comme un plus, tandis que le savoir inconscient, le sien propre, c'est un peu l'horreur, quoi. C'est comme dans la cure, et ça se perçoit par exemple quand on fait des cauchemars. Mais manifestement, un savoir qui se dévoile dans le cauchemar et dont on a horreur. Voilà, oui, c'est pour ça que je vais rechercher. Oui, oui, mais c'est je ne me souviens plus quelle réponse il fait là, parce que ça me paraît très important de comment il a répondu à l'époque à cette chose-là. Ben oui, je crois qu'il a répondu plus ou moins quelque chose de l'ordre, rien de plus que ce que je sais, en gros, un truc comme ça. Oui. Alors, parce jouant c'est ça, sur, c'est ça. C'est jou, ça, c'est ça hein, je crois. C'est ça. Jouant sur, évidemment, puisque c'est pour lui au niveau de l'inconscient, il situe qu'au fond, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'au fond, les connaissances, pas de problème. Hein. On peut acquérir des connaissances. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous. On acquiert des connaissances comme on peut. À la bourse ou ailleurs, on fait ça. Tandis que le savoir, non, c'est parce qu'il y a un savoir inconscient. Ouais. Et que celui-là, il faut aller à sa conquête. C'est ça. Et il ne peut que se jouir. Comme c'est un savoir, effectivement, qui comporte jouissance dans son acquisition, et que jouissance n'est pas du côté du plaisir chez Lacan, contrairement à ce qu'on pense, il y a une horreur justement de ce que ce savoir peut révéler ou produire comme effet de jouissance. Hein. Voilà. Mais là justement, il joue Freud contre lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il est tellement freudien qu'il arrive à jouer Freud contre lui. Parce que c'est justement pas ça la trahison. La trahison, c'est... Il y a des gens qui veulent se tenir dans l'esprit d'un penseur, mais ils ne passent pas par où est passé ce penseur-là. Donc ils finissent par le trahir en étant trop près de la lettre. Tandis que Lacan, il est tellement freudien que le noyau subversif de Freud, il l'amène jusqu'au bout. Or, Freud dit qu'il y a un désir de savoir. Et lui, il dit, c'est surtout un désir de ne pas savoir. Parce que ne pas savoir, c'est l'horreur du réel qui se cache. Effectivement, tu donnes l'exemple du cauchemar. Et malgré tout, dans un cauchemar, quand on fait un cauchemar, réveille en sursaut, parce que là, on touche un noyau de réel qui nous correspond particulièrement, il y a une ambivalence en nous. C'est-à-dire qu'on se réveille, on est angoissé, et en même temps, on a envie d'y retourner. Il y a un truc, on a envie de retourner, on essaie de maintenir, parce que là, il y a une conjonction de la vérité et du savoir. Donc, le savoir nous fait horreur, mais quand même, c'est notre noyau réel et c'est le cadre de notre fantasme. Et ça revient ici sur la fin de ce passage qu'on a passé tout à l'heure, c'est que pour Freud, donc, le désir, voilà. C'est le désir de. Le rêve vient protéger le désir de dormir du. Non, oui, c'est ça. C'est... Du rêveur. Oui, c'est ça. C'est... Alors Lacan a dit mais que lui, ce à quoi il rêve, c'est réveil. C'est enfin réveil. Parce que là, tel que nous sommes là, nous sommes en train de dormir. C'est comme dans un roman de Philippe K. Dick. Je crois que nous sommes éveillés, mais en fait, pas du tout. On est en train de dormir, donc il s'agit de nous réveiller. Voilà. Et le meilleur moment pour identifier ce que c'est qu'un réveil, c'est quand on fait un cauchemar. Parce que là, effectivement, on se réveille et c'est tellement effrayant, le réel qu'on rencontre, qu'on se rendort tout de suite dans la réalité. C'est qu'il y a une inversion. Alors qu'on devrait se réjouir. Voilà. Quand on fait un cauchemar, c'est un gain de savoir. Quand on fait un rêve, on s'endort. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que on ne se souvient pas de ses rêves. Alors, les gens, il y a des analysants, ils s'inquiètent, ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Ben, évidemment, on ne s'en souvient pas, puisque le rêve, c'est le gardien du sommeil, d'après Freud. Et que par conséquent, une fois qu'on est réveillé, ben, on ne se rappelle plus de son rêve, parce que le rêve, il a accompli son travail. Il n'a pas besoin de se répéter, justement. Hein, c'est pour ça que. il n'est pas recommandé de dire aux analysants, notez vos rêves pour venir me les raconter en séance. Il y en a qui arrivent des fois, les premières fois, parce qu'après ils s'arrêtent. Ils viennent avec un papier, puis comme ils ont lu dans Elle ou dans Closer, ou je ne sais pas où, comment, que la psychanalyse s'intéressait aux rêves, ils viennent avec une liste et ils lisent le rêve, mais de l'avoir écrit, c'est foutu, c'est plus un rêve. C'est un récit éveillé, c'est un fantasme. Alors que justement, il n'y a pas à s'inquiéter quand on ne se souvient plus du rêve, mais il a accompli son travail. Et le problème, c'est que les cauchemars, qui sont quelque chose de très important, les analysants, ils ne veulent pas les raconter non plus. On voit bien qu'il y a de l'horreur de savoir. Mais oui. Hein, mais ils ne veulent pas le raconter, le cauchemar, parce qu'ils ont envie de l'oublier. Hein. Parce que ça touche au fantasme. Ah, oui. C'est autant le symptôme, on peut l'exposer, d'une certaine manière, c'est une étape, c'est pas une première étape. Au début, le symptôme, on essaie de le cacher, etc. Mais après, on peut très bien exposer son symptôme, c'est une forme de jouissance, etc. Il y en a beaucoup qui exposent leurs symptômes, il y a qu'à regarder la télé, hein, c'est le cas de ça. Mais le fantasme, là, c'est quelque chose qui met très très mal à l'aise. Si c'est mourir de honte sur place, si vous touchez en public, vous amenez votre fantasme constitutif. Or là, c'est ce que touche le cauchemar, dès qu'il amène sur ce bord du réel, c'est le fantasme. Il met en échec le fantasme, hein. Justement, parce que le fantasme, c'est un tampon. Oui, mais il a les deux versants. Oui, il montre aussi brièvement l'autre. Fenêtre sur le réel. Voilà. Hein, voilà. Et donc tout se referme d'un coup, mais il y a l'adrénaline qui est arrivée entre temps. On s'est bien réveillé. Donc voilà, c'est le désir de réveil de Lacan, c'est-à-dire qu'on aille se confronter au réel, justement, et non pas continuer à dormir, c'est-à-dire dans la réalité tamponnée par les bons symptômes, la compassion, tous les trucs que vous voyez tout le temps sur Internet, là, tout le monde est gentil avec tout le monde, il faut aider tout le monde, etc. Tous ces trucs-là, ça c'est pour continuer à dormir, comme ça. Et dès qu'on se réveille, on prend des chocs de réel. Mais c'est chaque fois subjectif, c'est pas un truc qu'on peut forcément partager a priori avec les autres, c'est-à-dire que ça doit passer par un travail pour pouvoir en parler avec d'autres, avec qui il peut y avoir un minimum de lien social. On voit bien là d'ailleurs, dans cette partie qu'on a écoutée aujourd'hui, hélas, pas de bonne qualité, mais enfin bon. Je comprends pas. De toute façon, ceux qui s'intéressent iront écouter. Oui, c'est une meilleure qualité sur le site. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on n'est pas du côté du sens, là. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire là. C'est des coups de butoir qu'il donne à son auditoire, parce que quand même, on n'a jamais entendu quelqu'un dire la foire, l'archiraté pour la charité, et le Dieu sait si on fait la charité dans nos sociétés. Bah oui. De plus en plus, on est charité. C'est l'industrie de la charité, hein, maintenant. C'est même plus de la charité. Et de la pitié, en plus. Oui, hein. Oui. Et puis, de l'espoir qu'il faut absolument... Pour être guéri, il faut plus avoir d'espoir. Comme ça, c'est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désespéré. Parce que quand on n'a plus d'espoir, on ne peut pas être désespéré, justement. Parce que c'est l'envers. Oui. Hein. Donc, on voit comment, là, il met en avant, la catégorie de la jouissance. C'est-à-dire que le versant, au versant du sens, le sens, ça tamponne un peu le réel, puisque dès qu'on donne du sens au réel, c'est rassurant, hein. C'est d'ailleurs ce qu'il dit de la religion. La science invente des horreurs. Vous n'avez qu'à voir tous les engins, hein, tous les engins qui sont en train d'être produits. Maintenant, vous avez votre iPhone 4, 5 et bientôt le 6 qui va arriver. Mais en cas de guerre, un type peut vous balancer un missile direct chez vous dans votre lit. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, l'horreur que ça représente. Et alors, il dit que là, justement, que la science produit un réel nouveau, invente du réel, et que justement la religion, elle donne du sens à ça. Voilà. Hein, elle va toujours colmater le sens. Alors elle qu'en donne, fait, il faut elle conserver... donne du sens, donc elle essaye de rassurer. Mmh. Et lui, il ramène cette dimension-là, justement, que tous ces ratages, c'est parce que ça touche au réel, et avec cet écran que représente, parce qu'il ne faut pas confondre le réel pur, dont il va petit à petit avancer le terme, parce que c'est pas encore là chez lui, c'est-à-dire que son réel à lui, c'est pas celui de la science. Alors il va dire que le réel, ça forme pas un tout, il y a des bouts de réel, donc la science, elle arrache des bouts de réel, Et lui parle d'un pur réel, c'est-à-dire d'un réel qui serait complètement en dehors du symbolique. Seulement, ce réel-là, on ne l'approche pour la plupart que parce qu'il y a aussi le réel de la jouissance et que ça fait écran. Voilà, on est là dans ce moment de son enseignement ou de son intervention sur ces points-là. Vous voyez, hein, on n'est plus dans la compréhension, on est vraiment là à pointer des effets dont tout le monde a l'expérience. Hein. On peut dire que quand on parle comme ça, tout le monde saisit quelque chose pour lui-même qui n'a rien à voir avec une dimension de connaissance. Mmh. Évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça, parce qu'ils ont horreur du savoir, ils voudraient des connaissances et qu'on leur explique bien. Et justement, on ne peut pas expliquer bien. Oui, parce que ça déporte du symbolique. Et donc, ça fait sortir de l'ordre symbolique, qui est un ordre rassurant, d'une certaine manière, hein, d'avoir une place dans la société, etc. C'est quelque chose de très angoissant. Et le réel force à remettre en cause cette place-là, puisque, en fait, il n'y a pas de place. Tout est fake dans, comment on dit maintenant, dans l'organisation symbolique, parce que c'est que du semblant. Et en fait, voilà, l'émotion, les mouvements comme ça, l'espèce de croyance dans une cohésion sociale, et ça marche autant sur l'émotion, c'est pour d'un seul coup, ça donne une place qui est artificielle pour très peu de temps, mais ça rassure. T'es que le réel, comme c'est du hors sens, ça déplace. J'ai pas vraiment de place. Le sujet, il a pas vraiment de place. Donc ça, c'est ce qui est difficile à tenir. Donc le réveil, c'est ça. C'est faut accepter qu'il n'y ait pas vraiment de place. Ça ne veut pas dire définitivement pas de place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place inscrite a priori. Mais c'est ça aussi, c'est un autre nom de la liberté. Parce que si on était déjà inscrit a priori en tant que sujet dans une place, il n'y aurait aucune liberté. Donc c'est l'autre manière de considérer la liberté. Mais ça c'est un prix à payer. C'est les Grecs appelaient ça ananke. La nécessité, de... se situer toujours, d'accepter plutôt que de chercher à tout prix de l'adaptation, de gérer son inadaptation. Nous sommes tous inadaptés. Ça veut dire que pas tout est signifiant, pas tout est langage, c'est ce qu'il dit à peu près là, parce qu'il y a la jouissance. Et le champ de la jouissance, justement, qu'il est en train de déployer, parce que c'est en train de se déployer dans son enseignement, il est en train, disons, d'essayer d'en donner, disons, le champ, en gros. Hein. C'est le début. Il est en train de rentrer là-dedans, alors que ça fait déjà un moment qu'il est en train de chercher ça. Il est en train d'y rentrer, parce que dans une première période où il aborde la jouissance, il situe la jouissance en dehors du symbolique. Donc, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, puisqu'il n'y a pas de sujet de la jouissance. Hein. Mais petit à petit, il va faire apparaître qu'au fond, au contraire, la jouissance, ça fait parler. Mais oui. Que le corps est un corps parlant, est un corps jouissant. C'est même ce que Lacan appellera, il l'appelle d'ailleurs dès l'année d'avant, dans Encore, le mystère du corps parlant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi sommes-nous les seuls animaux à être parlant? Bon, on stoppe là. Est-ce que vous voulez poser des questions? Parce qu'il est déjà 4h15. Hein. Ah oui. Ah oui. Et, tu sais. On voit pas le temps passer. Hein. Avec vous. Voilà. Ben, si. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la caméra. Si tu veux. Enfin, je sais pas. Non, mais non, allez-y. Vous n'avez pas de questions ou de choses qui vous ont questionné ou attiré votre attention sur un point précis, sur parce que c'est les malentendus sont la règle. Hein, c'est quand même, il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'on ne se comprend pas, c'est bien pour ça ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lien social. Donc le malentendu, c'est la règle. Hein, c'est pas une communication réussie, en fait, c'est très drôle pour Lacan, hein, une communication réussie, c'est des deux côtés, chacun comprend quelque chose d'autre et ça fait comme s'il se comprenait. Mais en fait, c'est pas du tout. Puisque on est, comme il y a un profond déséquilibre entre le sujet et son objet, petit a qui est inaccessible, donc le malentendu, c'est forcément la règle. Donc on ne fait que se tromper. C'est pour ça que voilà, nous, on a décidé de se tromper gaiement, on peut dire, hein, en parlant, plutôt que de faire croire qu'on ne se trompe pas en écrivant et en lisant ce qu'on écrit, en ayant relu 10 000 fois. Parce que ça, c'est la plus lourde manière de se tromper, parce qu'il reste quand même, c'est la seule discipline, l'analyse maintenant, où il y a de la parole. Or, il ne faut pas penser que l'écrit, c'est de la parole. C'est une forme dérivée, mais ce n'est pas la parole. La parole, c'est la possibilité de se tromper. C'est d'ailleurs comme ça qu'arrive la psychanalyse, par le lapsus, par le fait de se tromper. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'accès. Donc, on vit. Alors, on en parlait aussi dans la confusion avec l'écrit et le réel et l'écrit. C'est dans Encore que Lacan fait la différence enfin entre le signifiant et l'écrit. Donc, ce n'est plus assimilable. Mais pour lui, quand il dit que le réel, c'est l'écrit, il ne veut pas dire que c'est l'écriture, le réel. Il veut dire que c'est le trait d'écrit. Le trait d'écrit, c'est quelque chose que je comprends d'une certaine manière, parce que j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup plu, comme ça. C'était un copain qui est un artiste, un illustrateur, et il y avait son frère qui lui disait « Je ne comprends pas Picasso, c'est quoi, etc. » Pourquoi il est considéré comme un grand artiste, etc. Et mon copain, il prend comme ça sa feuille, et son frère lui dit « Mais qu'est-ce que c'est l'art ?» Et il prend une feuille comme ça, et il fait un trait comme ça. Il dit « Voilà, c'est ça l'art. » Alors il dit « Tu te fous de ma gueule, tu fais un trait comme ça. » Et en fait... C'est Fontana. C'est Fontana. C'est plus avant ça, pour comprendre. C'est que faire apparaître un trait, une ligne, qui est une forme minimale, hein, ça révèle qu'il y aura eu une place préalable pour cette ligne qui était déjà là, qui sinon n'aurait jamais eu. Mais c'est un après-coup, c'est pour ça que ça se conjugue au futur antérieur. Donc par exemple, comme on parlait tout à l'heure des symptômes et des femmes, donc le dernier tableau figuratif, c'était d'ailleurs la propriété de Lacan, c'est l'origine du monde. Parce que c'est comme si l'objet qui était irreprésentable jusqu'à maintenant, mais autour duquel l'art tournait autour tout le temps, en ne voulant jamais le montrer, c'était le sexe féminin. Mais en tant que tel, c'est-à-dire comme ça, exposé au regard, en tant que tel, c'est-à-dire une fois que lui va et il comble la différence qu'il y a entre la place de la chose et la chose. Parce que ça, on est dans le domaine du signifiant. Parce que le signifiant, c'est pas le trait, c'est le vide sous le trait. Donc, dans la dimension artistique, c'est pour ça qu'il cite Marcel Duchamp, qui dit que vous y entendiez quelque chose. C'est-à-dire que l'art précède, justement, cette découverte. L'art, c'est la seule... il y a l'art et la religion qui sont, je dirais, dans le même champ de questionnement que la psychanalyse. Une partie de la philosophie, celle qui... que Lacan revendique et qui ensuite se revendique de Lacan, mais la pensée véritable va se trouver dans ces domaines-là. Et l'art, c'est ce qui est en précession surtout. Donc on peut dire que le réel déjà est préfiguré par Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, donc il en parle là, il dit, quand même, vous vous rendez compte qu'en 1914, ce type-là, il ne faut pas croire qu'en 1914, dans les musées ou dans les institutions muséales ou artistiques, ils étaient plus ouverts ou plus que maintenant. Je ne sais pas quoi. Il a réussi à mettre un urinoir dans le musée et en disant « c'est de l'art ». Et tout le monde s'est précipité, etc. Donc là, on montre qu'il y a justement une différence entre un vide, une place, et l'objet qui vient occuper cette place. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce qui fait l'œuvre d'art, ce n'est pas les caractéristiques inhérentes à l'œuvre elle-même, un tableau très bien fait, etc. C'est la place qu'il occupe. C'est une question de place. Donc c'est ça la notion de structure. Donc, c'est là où on est sur le bord entre symbolique et réel. C'est pour ça que celui qui vient marquer la rupture de l'histoire de l'art après Gustave Courbet, c'est Malevitch. C'est-à-dire, d'un seul coup, il recrée la distance entre la place et le carré, c'est-à-dire vraiment l'élément qui vient comme un contenu dans un cadre. Il recrée l'écart avec le cadre. Alors après, Fontana, c'est encore postérieur à ça, puisque lui, il crée la fente directement, il va fendre la toile. Mais c'est déjà un phénomène secondaire par rapport à Malevitch. Je vous avais envoyé, là, d'ailleurs, est-ce que je vous ai envoyé les photos, là, numérisées, quoi, des grottes de Lascaux. On voit bien comment Lacan lit ça, lit les fresques de la fresque de Lascaux, il la lit littéralement, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas à la représentation globale ni à la forme des animaux, il montre comment ils sont organisés comme ça par petits bouts, et puis il insiste beaucoup sur les traits justement, et en particulier on voit à côté de la tête d'un auroch des petits bâtons comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est de l'écriture, déjà. C'est-à-dire que c'est pas l'écriture au sens où on en parle aujourd'hui. C'est déjà de l'écriture dans la représentation qui est là. Et il dit que c'est à travers... C'est ça qui est extraordinaire. Quand il fait ça, lui, il dit que c'est à travers ça qu'on peut comprendre de quoi il parlait, hein, et comment il parlait à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on a enregistré la voix, mais c'est ça que ça veut dire. C'est très important ce rapport entre l'écrit et la parole, voilà. Et cette béance entre les deux. Voilà. C'est ça qu'il y ait un réel. Sinon, il n'y a pas de réel. S'il y a un trait qui a été tracé par une main humaine, ça veut dire qu'il y a un réel. ça paraît difficile à entendre, parce que moi-même, quand je l'entends, je me dis que je n'arrive pas à le dire. Mais il y a eu une intention de tracer quelque chose, donc qui convoque l'être parlant dans son écart dans le monde où il n'a pas sa place. Et c'est une trace. Voilà. L'écrit, c'est un trait. C'est une trace, oui. C'est un trait d'écrit. Mais ça, quand on travaille un peu la typographie ou le graphisme, on y arrive après quelques années de recherche. C'est des choses qui deviennent... qu'on comprend... Enfin, pour moi, disons, dans mon travail graphique, c'est ce qui m'a vraiment fasciné dans l'approche de Lacan, c'est qu'il est arrivé à des choses dont on n'arrive que par l'expérience dans la recherche graphique. Notamment le point aveugle, justement, d'où le regard nous est envoyé. Et cette notion de trait aussi, le trait d'écrit, parce que la typographie, c'est l'origine du graphisme. Enfin, l'origine au sens pas ce qu'il y a eu en premier, mais ce que tu racontes là, c'est-à-dire les grottes de Lascaux, ce trait-là, c'est de l'écrit. Voilà. Ça montre qu'il y a, il y a une perception du réel par un être parlant comme nous, du même ordre que nous, pas moins évolué ou je sais pas quoi, c'est du même ordre, c'est-à-dire c'est un questionnement du réel. Alors ça, c'est intéressant, parce que justement Lacan, il situe... Deux barrières dans l'accès au réel. Alors la première barrière, c'est finalement le symbolique. Le symbolique fait barrière tout simplement parce que on ne peut pas écrire, le réel ne s'écrit pas, même si on écrit. Alors l'exemple pour nous dans la clinique, c'est ça, c'est-à-dire que au fond, le sujet fait un rêve, il vient le raconter. Et c'est quand il parle, en fait, on lit, hein. On lit les dits de l'analyse, on fait une lecture. Ce qui montre qu'il y a de l'écriture dans l'inconscient. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc, une barrière vers le réel qui est ça. Bien sûr, on essaye de le toucher par l'interprétation. Et puis, il y a une autre barrière qui met en question l'art. Alors, je ne sais pas ce que tu m'en diras. C'est la barrière du beau. Hein. Le beau est un obstacle à la chose, ben oui, et un obstacle au réel. Mmh. Et effectivement... peut-être que l'horreur de savoir, elle se situe sur ce registre-là par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut un franchissement de ce qui est beau, du beau. Et on voit bien dans les textes que les gens écrivent, en particulier certains romanciers ou d'autres, ou des poètes, ils s'attachent plutôt à la forme et à la beauté de leur écriture qu'à dire la chose dont ils voudraient parler. C'est le dernier pas avant la chose, donc c'est la peur d'être absorbé par le réel, et en même temps c'est le dernier degré supportable. Après, ça devient insupportable. Oui, c'est là. Effectivement. Bon, je vais être maladroite. Je vais être maladroite, peut-être hors sujet, mais. Plus chaud, on entend. Juste un examen. C'est un lapsus. Vous pouvez poser des questions ici, puisqu'il n'y a pas d'examen. À l'université en ce moment, mais bon, tant pis, hein, ça sera enregistré, mais c'est pas grave. À l'université, en ce moment, il y a quelqu'un qui va parler de création et schizophrénie. De création. De Jean-Henri. Et je me suis demandé pourquoi création et schizophrénie, et pourquoi on ne prendrait pas pour l'université aliénation. Pourquoi toujours à l'université on choisit toujours des sujets qui permettent de toujours cacher justement le réel qu'on ne veut pas savoir. Mais moi. Non. Sujet, mais pas si on me branche sur l'université, je peux être intarissable. Le discours universitaire, quand même, c'est une chose. À l'université, en fait, moi je l'ai écrit quelque part, l'université, au fond, c'est un centre de soins. Hein ? Oui. Le discours, c'est un centre de soins. La psychanalyse aussi, c'est du soin. Mais enfin bon, c'est pas le même type de soins. Donc c'est un centre de soins. Et tout ce qu'on vous apprend, en gros, on vous fait des pansements pour vos plaies, c'est-à-dire les failles de votre savoir ou de votre plaisir de vivre ou des choses comme ça. On fait des pansements. Et donc, quand on vous épingle unité de valeur, on vous donne une boîte à pansements, une trousse de soins, que à nouveau, vous-même, grâce à ça, vous allez pouvoir faire des pansements à vos contemporains. Et ça va perdurer comme ça. Voilà, c'est ça le discours universitaire. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est qu'à force de faire des pansements, ben, on ne peut plus penser. Ça vous dispense de penser. Hein ? Mais en fait, il faut se mettre à l'écart. Alors, en fait, cette espèce de création et schizophrénie, c'est quoi ? C'est un artifice de quoi, ça ? Hein ? Schizophrène, ben, c'est un sujet. Lacan le dit très bien, le psychotique, c'est un sujet. Il a des fantasmes, il a un désir, il a tout un certain nombre de trucs qui sont absolument définissables comme un par-lettre. Évidemment, un par-lettre qui, dans sa position par rapport à la structure, n'est pas la même que celle du névrosé ou du pervers. Mais pour Lacan, névrosé, pervers ou psychotique, ce sont des positions normales du sujet par rapport à la structure langagière. C'est normal. Évidemment. C'est des réponses à la structure. Réponse du sujet comme réel, parce que le sujet, c'est le réel. C'est une réponse du réel, le sujet. Hein? C'est pour ça qu'on dit que le sujet, c'est la fente dont se définit le réel. Pour nous, bien sûr. Alors, à l'université, on produit des artifices. Parce que création et schizophrénie, dans un amphithéâtre, tout le monde se dit, moi je ne suis pas schizophrène, éventuellement, hein, et je suis un créateur, par exemple. C'est des artifices de. Pourquoi pas, après tout. Non, mais un. La psychanalyse à l'université, il faut vraiment arrêter. Enfin, la psychanalyse. Parce que c'est les néophytes qui prennent. Hein ? Oui. Bon. Mais c'est déjà, ça remonte à très loin, en fait. C'est même pas nouveau, parce que même, je pense que. Les antinomies que découvre Kant dans la critique de la raison pure. C'est-à-dire, il découvre déjà le sujet lacanien, hein, puisqu'il vient juste après Descartes, etc. C'est-à-dire, ce qu'il découvre, c'est que, par rapport à l'université, on ne peut pas aller à l'universalité. C'est-à-dire que, soit on ne peut pas penser des objets d'expérience, soit on ne peut pas faire l'expérience de certains objets, comme le cosmos, Dieu, etc. Donc il y a des impossibilités qui sont liées à la raison. C'est pour ça que la raison elle-même n'est pas universelle. Donc ça s'appelle la critique de la raison pure. Et ce qu'il découvre, c'est que nous amenons, grâce à notre propre subjectivité, la possibilité de nous connecter à cette possibilité-là. Il y a deux grands types d'antinomies, les antinomies mathématiques, les antinomies dynamiques. Ça correspond aux positions de la sexuation, qu'on va retrouver plus tard, dans la position femme et la position homme. Position femme, c'est pas toutes, et position homme, c'est tous les hommes, sauf un. Voilà, c'est l'exception dont se soutient la règle. Et pour la femme, il n'y a pas, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'exception constitutive. Donc, ces deux éléments... Déjà, si on prenait au sérieux la critique de la raison pure, on ne pourrait pas se raconter tant d'histoires. C'est déjà une préfiguration de ce que raconte Lacan. Hein. Lacan, il lit avec beaucoup de... Parce que ce qui lui permet d'entendre ses analysants, c'est qu'il a une oreille avertie. Sinon, il n'entendrait pas. Mais il entend très bien parce qu'il connaît ces choses-là. Et donc, après, il replace la place du fantasme de l'analysant dans la situation qu'il décrit. Et progressivement, il lui permet d'assumer sa position subjective, sa position de sujet. Parce que justement, déjà, sur Kant, il sait très bien qu'il n'y a pas d'université. Alors, on l'a vu l'autre fois, le réel, c'est pas tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit la femme réelle, etc. C'est pas tout, on peut pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir absolu, puisque là on va sur Hegel, puisque l'absolu c'est justement un pas tout. Enfin, on va pas rentrer dans les détails de l'excellence philosophique que représentent ces étapes de cheminement qui font qu'aujourd'hui, ce qui est devenu l'université, c'est loin de l'intention de départ qui avait été déjà de se déclarait impossible en tant qu'universalité. Voilà. L'universalité n'est pas possible. Il y a quelque chose qui résiste, et cette résistance, c'est le sujet lui-même. Donc, Bon. Bon. Voilà, c'était la... Vous voulez qu'on arrête là Je sais pas. C'est... Bien. On peut continuer hors champ, hein, si certains sont... C'est vrai, c'est difficile de... On peut que se tromper. Mais maintenant, c'est paradoxal, on n'a pas le droit de se tromper. Si on parle trop, c'est pas bon. Si on parle pas, c'est pas bon. Ça veut bon dire quoi, plus. Parler trop? Trop parler, ça veut dire quoi? Trop parler. Depuis tout le temps, c'est fait comme ça. Donc à un moment donné, une fois qu'on a compris quelque chose, il faut trouver sa place en étant dégagé de tout ça et d'en rigoler et d'en jouer. Mais ça, je pense que c'est quand on a compris et qu'on arrive à un bout. Enfin, moi, je trouve que c'est du blabla, en fait, partout. Ouais. Mais la parole enseignante, par exemple, c'est pas forcément de la parole. Hein. C'est pas parler, la parole enseignante. Non. C'est pas vraiment parler. Peut-être qu'il y a d'autres pratiques, mais la seule pratique où ça parle, où le corps est parlant et qu'il y a une jouissance du parler, c'est dans la cure. De hein? nos jours hein? Pas dans toute cure, parce que de nos jours, la cure psychanalytique, comment on peut un peu rigoler quand même. Comment ? Il y a énormément de psychanalystes. Ah non, mais moi je ne parle pas des psychanalystes, voilà. Parce que ça c'est encore autre chose. Mais je dis simplement que dans ce dispositif-là, c'est là que ça parle. C'est une des rares pratiques humaines actuellement qui repose sur le fonction de la parole. Hein. Mais est-ce qu'il reste encore des gens qui arrivent à écouter ? C'est difficile de porter un jugement là-dessus. Quoi. C'est tout. Simplement, c'est... Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. C'est cet horizon-là dont on parle. Hein. Bon.